Salut les 60, souvenirs sur Radio Guémozo. N'écoute pas les idoles. Si vous suivez le conseil de France Gall, je vous dis au revoir. Dans le cas contraire, bienvenue dans Salut les 60. Avec au sommaire de l'émission, nos trois matchs, le hit parade de mars 1964 et notre rubrique Le coin du spécialiste sera consacré cet après-midi à Brigitte Bardot, sex-symbole de l'époque. Voilà, vous avez décidé de rester en notre compagnie. Merci de votre choix. Excellente journée sur Radio Guémozo. Les Russes lancent Sputnik, le premier satellite artificiel. Plus fort, ils décident même d'emmener promener le chien dans l'espace, ou plutôt une chienne, Laïka. C'est un jardin. Charles Trenet chante le jardin extraordinaire et Simca sort des voitures elles aussi extraordinaires, la Chambord et la Beaulieu. Leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en Spontex. Donne envie d'être une éponge. Et Gaston Lagaffe fait son apparition dans le journal de Spirou. Les employés français se retrouvent le matin devant les premiers distributeurs automatiques de boissons. Christian Dior, le maître incontesté de la mode française, tire sa révérence. Et Sissi Princesse sort. Sacha Guitry fait une dernière sortie. Bien évidemment, théâtral. Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle est mis en musique par Miles Davis. Et les troupes françaises dirigées par le général Massu font respecter l'ordre en Algérie. Hey, Pony! Hey, hey, hey, Pony! Ouvre bien chez moi! Hey, hey, hey, Pony! J'en ai besoin de toi! Hey, Pony! Hey, Pony! Ah, ah. Je revois ton beau visage! Et je revois tes yeux! Tout comme un lion encore! Moi, je deviens furieux! Hey, Polly! Wow. Hey, Polly! Ah, ah, ah! Oui, wow! Ta mère m'a dit au téléphone, vous n'êtes pas fou, ma femme est conne, elle est fièrement chez vous. Oui, hey, Polly! Hey, Polly! Hey, Polly! Où es-tu? Où es-tu? Hey, Polly! Mais c'est vrai que ma fête, c'est aujourd'hui. Et avec des cigarettes, chérie, te voici. Hey, Pony, woo! Hey, Pony, ah, ah. Hey, Pony, get me out! T'adore, oh, embrasse-moi, oh, embrasse-moi encore, chérie, je n'aime que toi. Hey, Polly, hey, Polly, ah, ah. Ta mère m'a dit au téléphone, tu n'êtes pas fou, ça m'étonne. Elle est, hey, Polly, hey, Polly, hey, Polly, oh, oh, où es-tu? Hey, Polly, oh, oui. Johnny Hey Pony, c'était en 1961, c'était la période Vogue, maison d'édition qu'il n'allait pas tarder à quitter pour signer chez Philips et faire la carrière que l'on connaît. Je sais que vous aimez le rock'n'roll, je sais que vous aimez les pionniers du rock'n'roll, vous êtes assez nombreux à nous téléphoner au standard de Radio Gémozo pour nous le dire. Eh bien, puisque les petits cadeaux entretiennent l'amitié, Radio Gémozo et Salut les 60 vous offre le son rock'n'roll. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. Cadillac rolling on an open road, nothing out run my vehicle. Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper over. Can't you be true? You done started back doing the things you used to do. A Cadillac pulled up to 104. My phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you? why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Maybelline pour le son rock'n'roll, c'était Chuck Berry. Monsieur Henri Moureau, voiture école, 9 place Jules Méline à Remiremont, vous propose pour 20 francs la demande et 10 francs la leçon d'apprendre à conduire sur une 2 chevaux, une Renault 4 ou une Renault 8. Voilà, c'était le genre de petite annonce qui figurait dans votre quotidien Liberté de l'Est en septembre 1965. J'ai rêvé de lui, j'ai rêvé de lui, j'ai rêvé de lui. Comme chaque nuit il est venu pour me dire qu'il m'aimait toujours, et comme chaque nuit je l'ai cru, mais dès que s'est levé le jour, alors adieu. J'attends que revienne chaque nuit pour le trouver dans ma sommeil. Mais au matin tout est fini, il part quand revient le soleil. Alors adieu mon amour, adieu mon amour. J'ai rêvé de lui, j'ai rêvé de lui. Et je suis si triste, si triste. Sans lui, je déteste les jours, les jours. Sans lui, ma vie n'a plus aucun sens maintenant. Et pourtant, je vis un grand roman d'amour. Mais hélas, je ne Sandy Shaw, j'ai rêvé de lui. Permettez-moi une petite recommandation. L'amour qui naît subitement est le plus long à guérir. Lui, il rêve de Nicole, Richard Anthony en 1960. Je suis fou de l'école. Moi, je suis fou de l'école. Ouais, ouais, ouais, je suis fou de l'école. Pourtant, Archimède n'est pas un remède. Oh, oh, oh, lorsque l'on a des cols. Avec lui, toujours en bas du col. Et c'est pourquoi je suis fou de l'école. Ouais, je suis lyrique. Et c'est pourquoi je suis fou de l'école. Et vaille que vaille, j'aurai la médaille. Wow, wow, wow, en embrassant Nicole. Oh, oh, wow, wow, wow, en embrassant Nicole. Sur Radio Gémozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Tu me demandes à qui tu vois. Les garçons se retournent sur moi. Pourquoi? C'est joli, j'ai là. C'est joli, j'ai là. C'est joli, j'ai là. C'est joli, j'ai là. L'amour est fait pour vous. En 1961, on était pour ou contre les chaussettes noires. En tout cas, petite Sheila n'est d'autre que l'adaptation du Sissi Lille Sheila de Jean Vincent, la version originale que je vous propose d'écouter sur Radio Gémozo. She, Sheila, best looking gal around. When I say Sheila, Sheila, Sheila, with your hair so long and brown, we'll get married when my Sheila's looking down. Oh, She, les chaussettes noires contre Jane Vincent, c'était votre premier match, c'était votre premier choix. Juste après Wanda Jackson, Breathless, nous évoquerons en quelques titres le hit parade de mars 1964. Allez, ceci étant dit, je vous souhaite un excellent après-midi sur Radio Guémozo. Can't love you enough. It's all right to hold me tight. 'Cause when you love me right. Twist, le Madison, le Match Potatoes, le Holy Goulie et le Surf, Albert Esner a tenté sans succès de lancer une nouvelle danse, le Snap, dans son émission télévisée Hache Tendre et Tête de Bois. Nous sommes en 1964 et les Beatles, qui sont en couverture du célèbre hebdomadaire Newsweek, après leur triomphal périple américain, occupent en France, en ce mois de mars 1964, la 30e place du hit parade avec Roll of Beethoven, un titre signé Chuck Berry. Joue et une 28e place pour Johnny Hallyday qui fait ses adieux à son public au cours d'une longue tournée française avant de partir effectuer son service militaire en Allemagne à Offenbourg. Les guitares jouent.

Claude François, chaque jour c'est la même chose, 11e du Hit Parade de mars 1964. Dans le même temps que Claude François interprétait ce titre, Dick Rivers, qui lui s'apprête à sortir son premier album 30 cm, classe à la 7e place son nouveau titre Rien que toi. Que toi. Cette année 64, elle est la plus belle pour aller danser. Sylvie Vartan à la première place du Hit Parade de mars 1964. La marque d'une grande vedette et le mensuel Salut les copains ne s'y trompe pas en proposant à ses lecteurs une affiche géante publiée sous forme de numéro hors série. Je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, la soie où je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour

partout je suis parti. Tu avais tout brisé, tout en une seule nuit. Oh. Lucie, à l'instant, c'était les copains Alain et Claude, un duo qui se voulait être les Everly Brothers français. Bien, puisque nous parlons justement des Everly Brothers, je vous propose un titre Wake Up Little Susie. Je vous propose sur Radio Guémozo, filez donc les Everly Brothers. Your mama, what are we gonna tell your papa? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie? Well, I told your mama that you'd be in by then. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie. We gotta go home. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. The movie wasn't so hot. It didn't have much of a plot. We fell asleep by Goose's good reputation. He shot. Wake up, little Susie. Pretty Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your papa? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. Dans l'émission de télévision Douce France, France Gall interprète le prince charmant et poupée de cire, poupée de son. Sur Europe numéro 1, dans Salut les copains, I'm Lou, le nouveau titre des Sangrilins et le chouchou de l'émission. Situons le tout, allez, nous sommes en juin 1965. Do bad, do bad, do.

Une chose est certaine, pas besoin d'être détective privé pour savoir que sur Radio Gémozo, dans quelques minutes, nous évoquerons dans notre rubrique Le Coin du Spécialiste la période 60s de notre bébé national et ça sera juste après Johnny Otis, Téléphone Baby. Hello, Johnny. Yes, it's me and I'm lonely. I had to call you on the phone. Whoa, now, baby, don't leave me all alone. Don't you know I got a feeling? I wanna hold you tight. Whoa, now, baby, really gonna treat you right. I had to call you on. Chill, I get a yeah. Don't you know I'm blue and lonely? I need your loving always. Whoa, now, baby, I'm yours for the rest of my day. I get a yeah. Don't you know I'm blue and lonely? I need your loving always. Whoa, now, baby, yours for the rest of my days. I'm yours for the rest of my days. I'm yours for the rest of my days. Okay, Jay, I'll call you again tomorrow. Bye. Bye, baby. Votre radio pour les brancher avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. Bardot est née à Paris le 28 septembre 1934. Ambitieuse et travailleuse, le sexe symbole à la moue célèbre entame une carrière de chanteuse par le biais du cinéma et trouve un ton et un répertoire qui lui ressemblent. Elle chante des compositions légères et gracieuses, telles Sidonie. En 1962, sur un poème de Charles Gros, extrait de la bande originale du film Vie privée, Bébé enregistrera un premier album donc en 1963. La plume de Gainsbourg vient alors enrichir son répertoire de chansons insouciantes, pleines d'humour et de trouvailles comme Bubblegum, L'appareil à sous ou Harley Davidson. Ensemble, ils enregistrent une première version de « Je t'aime, moi non plus » qui ne sortira que 20 ans après. Brigitte Bardot voulant en effet éviter le scandale. Après ce tube avorté, Bébé poursuit sa carrière de chanteuse avec La Madrague, Je me donne à qui me plaît, Nuit au soleil. Puis dans les années 70, elle abandonnera la chanson et le cinéma pour se dévouer entièrement à la cause animale. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances

rendez-vous au golf Drouot, hommage au célèbre club parisien pour la partie à ce moment-là. C'était donc les champions. Nous aurons François Hardy, Thierry Vincent, l'ex-chanteur des Pingouins, les Rolling Stones, les Aiglons et de suite, bien sûr, notre troisième et dernier match. Oui, j'ai bien fini, Sally, de t'aimer. À présent, tu peux bien t'en aller à tout jamais, oh Sally. Oui, c'est fini. Je sortirai tout seul ce soir. Ouais. Et tu pourras dire que c'est ta faute si cet amour-là n'est plus le nôtre, oh Sally. Oui, c'est fini. Oh Sally. Je sortirai tout seul ce soir. Ouais. Quand je reverrai ton faux sourire, dis-toi qu'au fond de mon cœur il ne voudra plus rien dire, oh Sally. Oui, c'est fini. Oh Sally. Je sortirai tout seul ce soir. Yeah. Oui, j'ai tout fait, Sally, pour te garder. Tu n'as rien vu et j'ai perdu, oh Sally. Oui, c'est fini. Oh Sally. Je sortirai tout seul ce soir. Ouais. Et entre nous, je le vois, ne fut une joie. Tu as vraiment tout caché car tu ne pensais qu'à toi, oh Sally. Oui, c'est fini. Oh Sally. Je sortirai tout seul ce soir. Ouais. Je sortirai tout seul ce soir. Je sortirai tout seul ce soir. Ouais, tout seul ce soir. Je ne veux plus te revoir. Je sortirai tout seul, je sortirai tout seul ce soir. Johnny Hallyday, Sally, adaptation du Long Tall Sally de Little Richard. Mais pour ce troisième et dernier match, eh bien, c'est la version d'Elvis Presley que nous allons retrouver. Johnny Hallyday ou Elvis Presley sur Radio Gamozo, c'est à vous de choisir. Don't tell he Mary about Uncle John. He came and got married, but he had a lot to fall away. Beach got everything at Uncle John needs, oh baby. Hey, baby. Ooh, baby. Having me some fun tonight. Well, I saw Uncle John with bald head Sally. He saw him Mary coming and he got back in the alley, oh baby. Coming and he got stuck in the alley, oh baby. Yeah, baby. Oh baby, having me some fun tonight. Go. I wanna have some fun tonight. Have some fun tonight. Have some fun tonight. Everything's all right. Have some fun tonight. Have some fun tonight. C'était notre troisième et dernier match, vous aviez à choisir entre notre idole des jeunes et le King, le roi de rock'n'roll, Elvis Presley. Les Rolling Stones, les Aiglons, Michel Polnareff, l'amour avec toi, sur Radio Gamozo, la légende en version originale. Dans cette cité,

a king bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby, let me come inside. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Well, I'm a king bee, baby, want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, buzz a while. Sting it then. Well, I'm a king bee, can buzz all night long. Well, I'm a king bee, baby, can buzz all night long. Yeah, I can buzz better, baby, when your man is gone. Les Rolling Stones, I'm King Bee. Thierry Vincent débute en 1962 sous le pseudonyme de Lou Vincent avec Les Pingouins, un groupe digne des Chaussettes Noires et des Chats Sauvages. Mais leur carrière est rapidement brisée par le départ à l'armée de leur chanteur. Thierry Vincent est de retour début 64, prêt à s'imposer en solo dans la tourmente des Beatles et des Stones. C'est au printemps 65 que Thierry Vincent sort Les Yeux Fermés, reprise du Wondrous Place de Billy Fury. Frankie Jordan l'ayant d'ailleurs enregistré en 1961 sous le titre Elle est passée. Je m'en vais seul le long des rues. Ce soir je sais que j'ai tout. Les yeux fermés, dans son regard j'avais cru qu'elle n'aimerait pas me voir souffrir, que je pouvais lui confier ma vie. Les yeux fermés. Jamais m'oublier. Elle disait que pour nous deux était venu le temps d'être heureux. C'était un rêve, mais moi je l'écoutais les yeux fermés. Les yeux fermés. Mais quand ce soir mes yeux se sont ouverts, j'ai vu trop tard que c'était fini, qu'elle avait menti. Mais l'oublier je ne peux pas. Les souvenirs